hustling, I'ma always give my all, yeah. Haters talking down, they wishing that I fall, yeah. Every time I get a chance, know that I ball, yeah. Anytime I need my game, they right there for me. I go hard, yeah, from the start, yeah. Never tried to rush things, I play my part, yeah. Never said it's easy, they can make things hard, yeah. Every time you see me, look like we performing. I'm a star, yeah, living large, yeah. Look at me like a boss because I paid the cost, yeah. Had to slow it down, I had too many bars, yeah. Now I got the younger kids singing out. Il a coupé mon micro. Ah, là, là. Si je suis derrière, je dois faire une connerie, tu sais bien, Flo. Bah oui, mais bien évidemment, ça me fait peur à chaque fois que je te vois derrière moi, vraiment. Alors, comment va la playlist partagée? On l'a liké? On l'a liké, ouais, elle était énorme, c'était Antoine qui l'a faite ce soir. Azukita. Il a pas passé ça, il a passé Soprano. Ah ouais, bah en plus il était là il y a pas. Bah ouais, il était là mardi, voilà, cool. Et dis, je disais les SMS que j'ai reçu un SMS de ta part sur le WhatsApp. Ouais, ouais, effectivement. 0492 222 002. Alors j'ai. WhatsApp, ouais. Bah voilà, et j'ai lu que aujourd'hui on va parler des potes bourrés en soirée. Ouais. Est-ce que je peux intervenir? Bah avec plaisir. On en parlait hier, mais tu sais bien, comme dans cette émission, on fait tellement de trucs. Je pense que je vais être un bon client pour le coup. Ah bah, formidable, on t'appelle vraiment, hein. Ouais, non, bah écoute, j'appelle dans 5 minutes, j'appelle. Ça va, bon, bah super. On fait ça. Mettez-vous notre. Bon, Vince, il arrive dans un instant sur Énergie, c'est juste après ça, je vous retrouve tout à l'heure. Bah non, pas tout à l'heure. Oui, peut-être tout à l'heure chez Vince, mais en tout cas demain 20h. Ciao. Ceci est un message d'urgence publique à l'attention de tous les auditeurs d'Énergie. Le programme qui va suivre peut s'avérer dangereux pour votre santé mentale. Nous déclinons toute responsabilité sur les dommages causés à votre cerveau. Nous déconseillons aux enfants d'écouter cette émission. Mais vous pouvez nous écouter en cachette de vos parents. Vous êtes des centaines de milliers à le faire. Nous déconseillons aux adolescents d'écouter cette émission. Sauf s'ils veulent entendre des histoires copines et gagner des cadeaux, car leurs parents sont radins, ou que vous avez la flemme d'aller vous trouver un job étudiant. Nous déconseillons aux parents d'écouter cette émission. Car vous pouvez griller vos enfants, parler de vous à l'antenne. Non, je ne crois pas, non. Nous déconseillons à la police d'écouter cette émission car vous vous sentirez obligé d'intervenir dans les locaux d'Énergie pour arrêter cette équipe de déjantés. Nous déconseillons aux patrons d'Énergie de nous écouter car ils n'ont pas signé pour une émission qui ne finit jamais à l'heure. Nous déconseillons au CSA de nous écouter car ils vont se marrer. Nous conseillons aux pompiers d'intervenir car Vince et toute sa team vont mettre le feu ce soir. 21h minuit, du lundi au vendredi, Vince sur NRJ. On est là! Bonsoir à la Belgique, bonsoir à la terre entière sur énergie.be, bonsoir aux Luxembourgeois qui nous écoutent tellement nombreux, bonsoir aux Français de la frontière française, même aller aux Français de France sur énergie.be toujours, bonsoir à la Flandre, oui parce qu'en Flandre on parle aussi le français, ils comprennent le français, ouais. Et je sais que ça écoute énergie, j'espère que vous allez bien. Vince c'est dans l'art. Avec la team au complet, il y a Lara qui est là, salut Lara, salut. Comment ça va? Ça va super bien. All right. Tu sais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe Lara, dis-le tout, on veut savoir. C'est la Saint-Nicolas. Non c'est demain, enfin c'est ce soir qui passe. C'est ce soir. Oh là là, oh, sacré Saint-Nicolas. Mais sauf que chez nous, attention, comme nous, on n'a pas été très très gentils. Ouais. Et que Saint-Nicolas, il vient jamais pas. Jamais on nous. Est gentil. Ouais. Saint-Nicolas, il vient plus pour nous. Hein, on ouais, est d'accord. Eh ben moi, je vous ai ramené des choses. C'est vrai? Non, sérieux? T'as pensé à nous pour des. Attends, mais tu es formidable. Ah, c'est toi, tu m'as volé mon sac. Ah. Attendez, il s'est passé un truc dans cette émission. Attendez, il s'est passé un truc là. Ça a fait comme ça dans la tête à Lara. Lara n'a pas compris ce qui s'est passé. Alors attendez, parce que Lara elle me dit j'ai ramené des choses. Elle regarde vers le bas, elle regarde vers le haut, elle regarde Nigel, elle accuse direct Nigel. Mais elle nous a grave trollé. Comme d'habitude, tu vois, tu t'accuses l'arabe. C'est incroyable. Toujours m'accuser moi. Mais non, mais parce qu'il m'a regardé avec un grand sourire, genre. Mais ouais, parce que genre en mode putain, qu'est-ce que t'as ramené? Non, mais ce que je comprends pas, c'est. Et oui, t'as ramené quoi? Parce que finalement, il est où ton sac? Bah, il y a mon sac personnel et à côté, j'avais un sac cadeau, genre. Et tu t'es fait taxer ton sac? Mais qui va chipoter dans le sac des filles? Mais déjà, ton sac, il était où? Mais il est là en dessous de la table. Ah mais il est toujours là ton sac. Ça c'est mon sac à main. Et l'autre sac il est où alors? L'autre sac ici. Et début d'émission ça a eu un vol. C'est incroyable. Mais il y a eu un vol d'énergie. Mais tout est déjà dans mon ventre hein. Donc il y avait quoi dedans? Comment tu sais que ça a mangé? Ah tiens. Non mais ton sac est dans mon ventre. Mais Saint-Nicolas c'est des spéculoos non? Oui ça peut être ça. Ça peut être des cadeaux aussi. Je l'ai pas. Non mais sérieusement, moi j'ai pas vu de sac. Moi je suis en train de regarder. Mais c'est Florian qui l'a volé ou quoi? Mais ça commence très bien cette émission directement là. Et en plus Lara était persuadée d'avoir le sac à côté d'elle. Attention, le regard de Lara s'est transformé. Elle a un regard très sérieux. Bon, du côté du standard, est-ce que vous avez vu une trace d'un sac, les gars? Il ressemble à quoi le sac? Une sacoche. Une sacoche? Ah ouais. Bah non, c'est comme celle d'Eddie. Ouais. Disparu. Tu l'as laissé là-bas, peut-être? Mais non, je l'ai amené ici, je l'ai caché ici. Mais non, mais c'est mytho, parce qu'elle est venue nous voir quand elle est arrivée, elle avait pas de sac en fait. Si. T'es sûr qu'elle est pas dans ta voiture? Bon, attends, j'arrive. Et la pauvre, elle comprend pas, dans le cerveau de Lara, ça va pas bien. Non, je l'ai pas. Mais on t'a pas vu arriver avec un sac. Il y en a Nigel qui l'a aussi. Ouais, je viens. Bon, Lara vient de bouger. Putain, Lara est en train de demander aux collègues et tout. C'est toi qui as le sac ou quoi? Mais là, elle nous entend. Mais non, c'est pas moi qui l'ai. Non, non elle nous entend pas. Non, non, franchement, c'est pas moi qui ai le sac. Hein. Ah, puis ouais, c'est bizarre ça. Bon, il y a Thibaut qui est là. Thibaut, c'est toi qui as le sac ou? Non, pas du tout. Je sais même pas à quoi il ressemble. C'est moi qui l'ai. Ah putain, le con lui. Oh là là, il est con. Je suis sûr qu'elle a accusé Foflo. Elle est venue te parler ou pas, Lara? Tu sais qu'en plus, son sac, il est juste là, mais elle l'a pas vu, genre à sa droite. Arrête! Flo, est-ce qu'elle est venue chez toi te demander si t'as pas ouais, vu un sac? Elle m'a dit, ouais, je suis sûr, c'est toi qui as pris le sac. Je lui dis, ben non, je sais même pas de quoi elle parlait. J'adore parce qu'elle est aveugle. En fait, elle pensait vraiment que c'était à côté d'elle, mais en fait, c'est juste un peu plus loin. On le voit juste ici. À sa droite, on le voit. Sérieux? Oh putain. Vas-y, on va laisser tourner. On évite qu'elle arrive dans un couloir parce que dans les couloirs d'énergie, bah, on diffuse aussi Nostalgie et Chérie FM. Mais en fait, enfin, on lui plutôt, devrait dire. Infos, voilà. Attends, elle revient. On a Eddie qui est là. Salut Eddie, comment ça va? Ben, ça va super bien là. Ça va, la journée s'est bien passée? Ouais, elle était longue, mais ça s'est bien passé. T'as fait quoi de beau aujourd'hui? Bah écoute, t'as taxé des sacs à Lara. Ouais, bah j'ai taxé le sac de Lara, j'ai donné à la femme de ménage. Ah, c'est bien ça, qui depuis est partie. Bah elle est partie. Mais Lara est en PLS, elle comprend pas où est son sac. C'est pas très grave, bon voilà, si vous aurez pas vos cadeaux, c'est tout. Mais attends, mais c'est quand même dommage, hein. Bah ouais. Bon, ça dit Lara, je tiens à préciser un truc rapidement. Lara, je n'ai pas reconnue. Hein. Elle s'est balayée dans les couloirs là tout à l'heure, je la regarde de loin, je me dis, tiens, on a une nouvelle stagiaire, une nouvelle personne qui vient d'arriver à Énergie. Moi, je l'ai vu, je me suis dit, putain, Vince, il a engagé une nouvelle personne. Je te jure, on va faire une photo parce que Lara est longue. Et donc d'elle-même. Comment ça l'ombre? Un petit changement de maquillage, le très donc léger. C'est mieux, c'est très bien. Donc pas l'ombre. Les cheveux ondulés, très bien. Mais ça c'est parce que c'est mes cheveux naturels. Et madame a mis un taille haute au niveau du pantalon. Oui, bah, écoute, depuis quand les cheveux ondulés? C'est ondulé. Il est con, lui. Il est plus loin des dents. Excellent. Bref, bon les amis, bienvenue à vous sur Énergie. Là, et on attendait pendant 6 minutes autour d'un sac mystérieusement. Mais il est où ma sacoche? On sait pas où est ta sacoche. C'est toi qui l'as prise, Florian. Non? Non mais bon, s'ouvrez les yeux, peut-être Lara, j'en sais rien. Bon, Mister J-Man est avec nous aussi. Salut la team, Vince, vous avez le bonsoir. D'After Master FX, un mec, un plaisir de se marrer rentrant la muscu. Bon, c'est bon ça. Ouais, big up. Coucou à tous ceux qui sont sur WhatsApp, là, 0492 222 002. Il y a Talia qui est dans la maison. Il y a PNO aussi. On a dit les vaches à le déplacer le sac. PNO, va falloir envoyer sujet à complément, mon pote. Il y a Mathis qui est également connecté avec nous. J'espère que Mathis, tu vas bien, mon pote, qui voudrait faire le dragophone en plus ce soir. Wissem qui est là aussi. Elle a oublié dans le train comédie, mort de rire. Il y a Raph qui nous envoie une note vocale. Et si t'irais voir si le sac est dans le cul de Damien? Pas bête, ça, pas bête. Hein. Ce soir, on est tous dans la maison. Et merci. Sur Énergie. Je suis dégoûté. Voilà, alors il y a Mathéo aussi là. Lara. Une catastrophe. Mais tellement une catastrophe, cette Lara. Il y a Émilie aussi qui est là. Salut la team, ça va bien, Émilie, dans la maison, avec le mal de crâne, qui passe pas. Bois de l'eau, bois beaucoup d'eau. Il y a Valérie aussi là. Valérie de Mortrou qui est là, dans la maison, là. Et merci. On lui fait un gros bisou, elle est connectée. Et puis on a aussi Najat là, message vocal. Ça dit quoi, Najat? Najat est dans la maison. Sur Énergie. Ok, et puis Lola aussi, notre vocale direct. C'est dans la maison. Et merci Lola et Justin aussi, mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Je prends les premiers qui arrivent là. Justin est dans la maison. Sur Énergie, merci à vous là. Rest in peace, le sac de Lara. Lara, je t'aime. Voilà, moi petit aussi, message pour toi. Je t'aime. Voilà, il y a un auditeur qui nous envoie encore un message aussi. Hello la team. T'as changé de numéro toi? Dans la maison ce soir. On va encore bien s'éclater. PS, j'ai changé de numéro. Et oui, encore. C'est le chauffeur poids lourd ici. Mais comment tu fais pour autant changer de numéro toi? Parce que les cheveux poids lourds, mais il dit pas vraiment ce qu'il transporte. Ah tiens, ouais, effectivement. On transporte Nigel. Voilà. Chauffeur poids lourd. Il faut un tank. Les amis, 0492-222-002, pardon, n'est-ce pas Richard? 0492-222-002. Et ben voilà qui est clair. 0492-222-002 pour vos messages, les amis. J'ai le plaisir d'accueillir Mathilde dans le standard. Salut Mathilde. Salut Vin. Nyon Mathilde dans la maison. Sur Énergie. Oh my gosh. Les amis, les situations malaisantes au premier rendez-vous, c'est ce dont on va parler ce soir. Il y aura également le kiff ta mère tout à l'heure, le dragophone, le check pas ton snap, on adore ce jeu. Ça peut être check pas ton snap, check pas ton insta. En gros, c'est quelqu'un qui envoie une photo de lui ou une photo d'elle, légèrement dénudée. On demande pas des nudes, hein. Ça fait pas partie de nos codes ici dans l'émission, bien sûr. Mais ouais, c'est voilà. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Voilà. Non. Merci Diams, la boulette. On m'a dicté mal rap. Et bon, c'est bon les gars. Et le principe du check pas ton snap, c'est un auditeur qui envoie une photo de lui, hein, légèrement dénudé, avec le prénom de quelqu'un d'autre que sa copine ou son copain, généralement le prénom là, de l'ex. Voilà, carambolage. Et après on appelle et on fait un test sociologique dans cette émission. On vérifie si la personne, par amour, ne va pas checker le snap. 100% des cas vont checker le snap, hein. Non, mais... check pas ton snap. Ouais, ok, non, je vais checker quand même. Bah c'est normal. Ouais, c'est sûr, hein. C'est sûr, ça met la pression. Et Mathilde, avec quoi on va parler de toi ce soir? Des premiers dates qui se passent pas bien. Avec quoi on va parler de toi ce soir? Oui, c'est vraiment pas français du tout là. Oh mon dieu! C'était bon, vous savez d'où ça vient ça? Je crois que c'est parce que je commence à. Alors je vous explique, ma fille, je l'éduque en français néerlandais. Et ma fille me parle dans un français mélangé parce que voilà, elle oui, bug oui, encore. Oui, oui. Et de temps en temps je la corrige et de temps en temps je la corrige pas. Et j'ai tellement l'habitude quand elle me dit papa, est-ce qu'aujourd'hui mais du lait pour les céréales possible, tu vois? Ah oui, parce qu'elle parle en français, en construisant ouais, en néerlandais. Exactement. Et moi je réponds oui. Lait pour tes céréales possibles. Oh my god. Ah ouais. Et alors tu vois, je commence à dire des conneries sans m'en rendre compte dans la vie de tous les jours et je me rends pas compte que c'est pas français. Bravo. Ouais, bravo, qu'est-ce que tu veux, le cerveau qui bug. En plus, il est tard, hein, il est 21h10, on a comment fait notre journée. C'est pas comme si on démarrait l'émission comme si c'était notre 6-9, tu vois ce que je veux dire. Non, mais nous là on vient de se réveiller il y a une heure, là on est bien là. Ouais, ouais, peut-être pas. Mathilde, alors toi ma chérie, il y a eu un truc, il s'est passé quelque chose, c'est ça? Ben ouais, donc en fait, j'ai eu un rendez-vous avec un garçon qui ne savait pas où je travaillais. Ouais. Et donc lui a commencé à me dire qu'il bossait dans une radio. Mais attends, attends, juste une question, attends. Est-ce que tu es Mathilde, une Mathilde que je connais? Oui. Ah mais c'est Mathilde, elle est juste de chez nous ça. Mathilde, c'est notre collègue, ok. Eh, c'est trop vrai. Franchement, elle passe bien en auditrice. Mathilde hein. Ah ouais, elle passe de bien. La maison. Ouais, exactement. Mathilde est de la maison. Ah ouais, ouais, on va parler avec Mathilde, mais je me rappelle cette histoire-là. Hey, une histoire de mythomane de ouf. Ouais. On en parle avec toi dans quelques instants, Mathilde. Reste avec nous et venez nous raconter vos pires situations malaisantes au premier rendez-vous. Vous avez un petit rendez-vous et hop, ça se passe pas très très bien. Autour de la table, il y a des histoires ou pas là? Ouais. Eddie, Thibaut, tout ça aussi. Bon, on en parle avec vous dans quelques instants, les amis. Mais d'abord, voici Post Malone. Avec Swally, ça s'appelle Sunflower. Et accessoirement, Mathilde, c'est aussi elle qui fait notre programmation de l'émission. Eh ben c'est très bon ça, Mathilde. Le 27 août, c'était de la merde. Mais là, aujourd'hui, c'est exceptionnel. Elle s'habitue à nous, hein. Voilà. Elle s'habitue au caca. Et c'est ça. Elle commence à nous regarder, elle se dit oh, aujourd'hui, ils sont super ghetto, ouais. On va leur mettre un bon son hip-hop, tu vois. Ça fait plaisir. Quand allez, on est classique, allez, elle nous met du Mozart. Allez, soprano, ouais. Allez, hop, on arrive. Ta voix à la radio. Ajoute Vince à tes contacts WhatsApp au 04 92 222 002. 04 92 222 002. Et envoie-lui des notes vocales. Hey Vince, de la maison! Bienvenue sur Énergie, bienvenue à tous. On va passer une bonne soirée ce soir. Et c'est un miracle, oui, Lara a retrouvé son sac. Bravo! Bravo Lara, bravo! Des cadeaux, alors, ton sac il était pas loin en fait hein, pour ceux qui viennent d'arriver sur Énergie. Lara elle arrive, elle nous dit les amis, c'est Saint-Nicolas, j'ai des cadeaux pour vous. Et elle se retourne et voilà, ah tu oui, vois sa tête qui se transforme. Ascenseur émotionnel. Dans la tête de Lara. Voilà ce qui se passe. Elle comprend pas et tout d'un coup, miracle. Lara retrouve son sac, c'est incroyable, c'est... Et alors ton sac en fait il était là-bas dans le coin. Mais c'est qui l'a mis là? Je sais pas, c'est pas moi, je te promets. J'en ai rien à faire de toute façon qui l'a mis. Je l'ai retrouvé. C'est quoi alors dans les cadeaux? On veut savoir. Les cadeaux. Les cadeaux. Oh génial. Allez tiens. Distribution de bonbons. Oh putain, mais toi tu jettes des bonbons comme tu voulais tuer les gens. Tu es quelqu'un. Mais voilà, tu as pété la vitre là. Et mais attends. Et Lara elle tire. Oh. Et le temps s'est ralenti. C'est quelle arnaque de gros ça? Pourquoi le seul gros n'a rien reçu? Des look look party mix et tout en plus. Elle a pris vraiment le temps de nous mettre un petit bandeau et tout là. Oh, il y a les bonbons sifflets. Attends. Oh putain, mais grave là, on peut faire un musique. Gilet jaune. Gilets jaunes. Oh putain, je... C'est horrible. Arrêtez. Je vous demande de vous arrêter. C'est horrible, non, mais c'est horrible. Je savais que ça c'était une mauvaise idée. Attends. Je me suis dit, oh merde, les amis, tous ensemble, vous êtes prêts? Gilets jaunes. Dans ces petits. N'importe quoi là. Bon les amis, ce soir, kiffe ta mère, Dragophone, check pas ton snap, on a Battlefield 5 encore à vous offrir. Et sinon, merci. Merci. On l'a dit, je t'ai dit merci, j'étais tellement content d'avoir ça. Mais franchement, on dit merci à Saint-Nicolas. C'est ce qu'on a mangé hier. C'est vrai, Saint-Nicolas, il nous a zoppé parce qu'on n'est pas gentil. Merde. Voilà, il passe au soir. Et il y a un marshmallow aussi. Ça tombe bien, on va le jouer ce soir, tiens. Ah, cool. Donc, mais voilà. Du coup, faut pas le manger avant qu'il passe. Bah oui, t'as raison, ce serait bête quand même. Hein. C'est chiant, ça. On discute avec Mathilde ce soir, les amis. Vos histoires avec vos potes bourrés, ça sera pour tout à l'heure. Les situations malaisantes au premier rendez-vous. Ah là là. Et Mathilde, elle avec une situation très malaisante. Allô Mathilde, est-ce que tu nous reçois 5 sur 5? Je vous reçois toujours. Mathilde est toujours dans la maison. Mathilde qui fait partie de la maison, je précise, hein, ouais. Qui nous a raconté une histoire de mouf. C'est vrai, elle nous a parlé de ça il y a quelques mois. Eh frère, moi j'étais mort. Mais pareil, et Mathilde explique ça à tout énergie maintenant, tous les auditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé là? T'étais dans une situation, t'as rencontré un gars. Ouais, donc on a été boire un verre dans un bar, ça se passait plutôt bien, sauf que le gars savait pas dans quoi je bossais. Et du coup, moi, je lui demande « Ah, tu bosses dans quoi ?» Et il me dit « À la radio ». Je fais « Ah, trop bien !» J'étais avec une de mes potes, donc elle réagit pas trop. On dit « Rien, tu bosses dans une radio, laquelle ?» Et il me dit « Je bosse chez Énergie ». Et bam. Alors déjà, tout était fini. Déjà, lui ne le savait pas, il ignorait, mais tout était fini pour lui, de toutes ses chances qu'il pouvait avoir avec Mathilde. Voilà. Et alors? Parce que quelques secondes, il direct mytho, et donc raconte ce qu'on raconte la suite. Quand tu lui demandes « Ah, et du coup, tu connais des animateurs ?» Il me sort des animateurs qui ne sont plus du tout chez nous, ou qui se sentent super bien avec Tanguy, qui est mon collègue, et je sais qu'il ne le connaît pas. Ou quand je lui demande « Ah, et du coup, t'as rencontré des stars et tout ?»« Ouais, je m'entends hyper bien, Aya Nakamura, c'est ma pote, Dadju, je l'ai déjà interviewé je sais pas combien de fois. » What the fuck. Mais comme quoi, il y a des mythos partout. Mais c'est comme un ouf, ça. Le mec sans pression. Ouais, continue, vas-y. Et du coup, je lui demande à quelle heure il passe, il me dit qu'il bosse de 9 à midi, enfin, bref, il me sort mensonge sur mensonge. Et moi, je lui demande « Ah, et moi, tu crois que je bosse dans quoi ?» Il pensait que j'étais coiffeuse, donc ça. Ok. Il me dit « Ah, et toi, t'écoutes souvent la radio ?» Donc je lui dis « Non, pas du tout, c'est pas mon truc, je n'y connais rien. » Donc le gars prenait vraiment ses aises. Extra. Jusqu'au moment où j'ai sorti mes clés, où vous savez tous qu'on a un badge énergie sur notre porte-clés. Oh. Et bam. On a tous un pote mytho, tout un pote mytho. Si t'as pas de pote mytho, c'est que c'est toi le pote mytho. Tout un pote mytho, tout un pote mytho. Si t'as pas de pote mytho, c'est que c'est toi le pote mytho. Mais ça, et alors il s'est senti comment à ce moment-là? Du coup, il l'a pas vu tout de suite. Puis quand il a vu mon porte-clés, il m'a dit « Ah, mais quoi, du coup, t'es fan d'énergie ?» Il dit « Non, non, je passe depuis deux temps maintenant. » Là, il est deux. Rouge et il est parti. Oh my god. Ah, mais ça, là sur le coup, je vois pas ce qu'il pouvait dire de plus. Quand t'as mitonné, comme ça. Du coup, il a choisi Énergie en même temps pour mitonner. Genre, attends, quelle est la meilleure radio? Déjà, il a choisi. Je bosse sur Énergie. C'est ça, parce que le but, c'est qu'il a fait ça pour l'impressionner. Bah mais oui. C'est un truc de ouf, mais quand même, genre, tu dis ça à une personne, genre en mode ouais, je bosse chez Énergie, genre le mec, il fait rien du tout. Mais Bruxelles, c'est tellement. Enfin, la BG. Non, mais vous savez quoi, il y a un gars, il s'est fait passer pour moi. Et quand je portais, si, c'est une sale histoire. Quand je portais des tresses et tout ça, un jour, il y a une meuf, elle me croise et elle me fait alors, on donne plus de nouvelles, ça y est, on se voit une fois, on s'envoie en l'air et c'est fini. Je les regarde, je fais, je te demande pardon. Et là, dans ma tête, je commence à paniquer en me disant, putain, si je me rappelle pas, c'est la honte et tout, tu vois. Et je regarde, je fais, mais non, jamais, je connais pas son prénom. Je dis, mais écoute, je crois que tu te trompes. Si, t'es Vince de la radio et tout, bien sûr que si. Tu m'as promis que t'allais, genre, me montrer le studio, machin, que j'allais rencontrer des stars, les places de cinéma, et t'as fait tout ça pour me ken. Et je fais, quoi? Et tu sais, je te jure, je suis pas bien. Ouais. Moi, je me dis, mais attends, on s'est jamais vu. Si, à tel endroit. Je fais, non, je suis désolé, je sors pas là-bas. Et après, elle me regarde de plus près et elle se met à chialer en se disant, mon Dieu. Et en fait, il y a un mec qui portait des nattes, parce que j'avais des nattes à l'époque, qui me ressemblait énormément. Eddie ? Ça se voyait que c'était pas moi. T'imagines, hein ? Non, pas déconner non plus. Pas déconner. Non, franchement, le mec, il me ressemblait. Il limite un peu plus de gabarit que moi. Il s'est fait passer pour moi, mais sans pression. Oh my god. Ah oui. Mais c'est ouf, c'est horrible, tu vois. Ouais. Et attends, c'est pas fini, parce qu'il paraît que cette personne-là, elle vend de la drogue, tu vois. Oh. Et un jour, il y a un gars qui vient chez moi de nouveau dans une boîte de nuit en me disant, ouais, t'as pas truc. Non, j'ai comme pas. Comme la dernière fois. Mais il savait pas que j'étais Vince. Il savait pas que j'étais Vince, tu vois. Il m'avait pas identifié comme un animateur radio. Il m'a dit, ouais, si, d'habitude t'en as et tout, t'es connu pour ça. Et en fait, ce mec-là, il court Bruxelles. Je sais pas où il est. Si jamais quelqu'un peut le choper. Alors, c'est fini, puisque je crois que lui, il porte encore des nattes. Moi, j'en porte plus, tu vois. Peut-être qu'il est en prison. Mais c'est malaisant, comme quoi, tu vois, tu peux avoir des problèmes comme ça. Voilà. Mathilde, en tout cas, sale histoire, quand même, pour un petit. Sale malaise, hein, pour un premier date. Enfin, un premier date. C'est hyper marrant. Ouais, mais du coup, tu l'as rencontré. Enfin, tu l'as revu après ça ou pas? Oui, je l'ai revu en partant. Il m'a dit, ouais, mais c'est bien, c'était pour déconner et tout. Je dis, non, tu n'utilises plus énergie pour draguer. Mais c'est surtout moi, si j'avais su que je pouvais utiliser ça pour draguer depuis tant C'est clair. Je sais pas, moi, je trouve qu'on a l'air con quand on se la pète en disant, ouais, je travaille là-bas. Mais tu sais que ça impressionne des gens, mais moi, ça m'impressionne pas. Genre, même moi, tu peux parce que tu bosses, je comprends les personnes, je comprends que les gens qui sont impressionnés. Moi, j'ai l'impression que si je commence à m'adresser en disant, ouais, voilà, je m'appelle Vin, je suis animateur sur Énergie le soir. Voilà, on est numéro 1 des audiences. Mais toi, t'as besoin de rien dire. Mais alors, j'ai l'impression que quand on dit ça, on passe pour un beauf, tu vois. On passe genre, t'as besoin de montrer de mettre ton travail en valeur pour montrer qui t'es. Alors que voilà, il faut pas être jugé par rapport c'est à ça. C'est pas ton travail qui te définit. Hein. C'est ça, exactement. Incroyable, c'est ce genre de malaise. Sauf pour les pères hépatitésiennes, hein. Ça reste des putes. Dans la radio, là, toujours dans l'abus. On te fait un gros bisou, Mathilde. Hein. Mais bisous à vous. À bientôt. Salut, on se voit au bureau. Salut. Ciao Mathilde. Au revoir. Bisous Mathilde. Ciao ciao. Alors Vince, moi j'ai un pote, laisse tomber, il est trop mytho, il arrête pas de raconter des conneries sur sa vie et à chaque fois on finit par le griller et le mec il arrive dans son mensonge à réinventer un autre truc pour essayer de rendre ça crédible. Vince, moi je t'ai rencontré à la gare du Midi ou du Nord, je sais plus, et on avait bêtement parlé et je savais pas qui tu étais sauf Vince Canté. Rems qui envoie un message. Oula, Rems, il va falloir me remettre à jour. Aziz là, Aziz qui est dans la maison, nouveau message là, il a jamais envoyé ça. Salut les mecs, vous me faites trop rire, vous déchirez, vous me faites trop marrer tous les soirs. Merci pour ce message aussi. Alors dans les, j'essaie un peu de reprendre les réactions. Vince, lis ma réaction s'il te plaît. Ouais mais attends parce que je vais scroller pas mal. Salut Vince, moi premier date, gros malaise. Il y a une meuf, elle m'impressionne trop et comme un con je me mets à lui mentir juste pour être aussi beau gosse. Ça c'est une erreur. Ouais putain, ah, c'est une erreur fatale ça. Et finalement, je m'étais pas aperçu que la meuf, elle me connaissait déjà d'avant, et donc du coup, j'ai menti sur certaines choses. C'est con ça. Ah, c'est con ça. Fuck les réseaux sociaux. Ah ouais, donc la meuf, elle connaît. Voilà, via les réseaux sociaux, quoi. Incroyable comme situation. Hein. Et tiens, je me tourne un petit peu vers. Et pas vers Thibaut. Toi de ton côté, Thibaut. Ouais, j'ai eu situation bien. Malaisante au premier rendez-vous. Pas forcément mythomanie, mais une situation malaisante. En fait, j'avais donné rendez-vous à une fille et tout ça. On comptait aller au parc, passer un petit moment à deux. Et donc, elle arrive. Je me suis trompé de musique. Encore une bougie de soufflé. Encore une bougie de soufflé. Vas-y, continue. Et, et donc, elle arrive et tout, on se dirige vers le parc, puis elle reçoit un appel de sa mère en disant « Ouais, j'ai oublié de te donner un truc. » Donc, on retourne au lieu où on s'était donné rendez-vous. Et là, elle tombe sur un vieil ami d'enfance qui commence à parler et qui commence à rester avec nous. Tu vois, déjà, moi, c'était la première fois que je la voyais. Je me dis, putain, j'espère qu'il va se barrer et tout C'est relou, ça. Et au final, il reste. Casse-toi, putain. Et au final, il reste. Et je vois qu'elle passe plus de temps à lui parler qu'à moi, donc moi je suis un peu sur le côté et tout. Et à un moment, je sais pas, ils se disent ouais, venez, on va à la foire. Je fais ok, moi je fais le truc et tout. Et à un moment, je les trouve plus, ils ont disparu à deux. Je me suis dit bon bah ciao. Oh non, putain, et ben ça c'est méga relou ça. Oh le malaise. C'était sa stratégie ou gars peut-être. Ouais, hein. Non, peut-être elle, c'est-à-dire qu'elle avait tellement peur de Thibaut qu'elle a rappelé un pote à la rescousse. Mais t'imagines. Et après ils l'ont largué. Et il y a des trucs comme ça qui se passent. Hein. Il faut absolument que tu viennes, j'ai trop peur. Il m'a amené au parc. Le gars pour mon premier rendez-vous. Et en plus, il est roux, sa mère. Ouais. Voilà, et dès qu'on a une échappatoire, boum, on s'éclipse et tout. Non, mais bon, Thibaut, franchement, c'est ça. Hein. Et non, on le sait. Et je sais que je suis méga empathique. Tu l'as revu ou pas cette meuf? Non, mais tant pis, nique sa mère. Oh merde. Jadou qui m'envoie un message là, qui nous écoute depuis l'auto-école. Hein. Je dis ça, je dis rien. Elle a des cours d'auto-école, elle est en train de nous écouter. Mais du coup, elle va rater son permis si elle utilise son téléphone. Ah bah, étudie toi aussi. Vince, moi j'avais prêté un survêt à une pote, du coup je voulais le récupérer et elle m'avait dit qu'elle était en Thaïlande le soir même. Je l'ai vu au snack près de chez elle. Ah ouais, bon ça c'est dans le sujet mytho effectivement, ce genre de situation là. Vince, mets un gilet jaune, tu vas pécho, qu'on nous a envoyé. Salut Vince, j'ai installé WhatsApp juste pour parler, continuez comme ça, vous êtes super. Merci Loïc qui a envoyé ce message là. Aujourd'hui d'ailleurs en plus. Un message de Dom. Oula, le message est long, j'essaie de cliquer dessus, désolé parce qu'il y a plein de messages qui arrivent à la fois là. Adam. Alors, je vais me coucher. Oh, c'est dans la maison. Oh, j'adore son gosse, Adam. C'est magistral. Une situation où toi, tu as vécu un petit malaise, Lara. Très intéressant. Premier rendez-vous, c'était il y a très très longtemps. J'étais célibataire, voilà, j'avais rencontré un gars. C'était en l'an de grâce 1789. 1422. Avant que je sois né. Oui, t'es mon fils. Mais donc, on va boire un verre, je sais pas quoi, en ville. Et puis, c'est moi qui conduisais à ce moment-là. Puis, je sais pas, on devait aller dans un autre endroit. Et en fait, le truc s'était très très bien passé. Premier rendez-vous, machin. Puis je suis dans la voiture, je conduis, il est à côté de moi, et puis il fait « Arrête-toi, s'il te plaît. » Le mec, il a bu genre un verre, il était malade, il a gerbé. Non, c'est mort. Dans ma bagnole. Oh, c'est tout parce qu'il t'a galoche, hein. Mais non, c'est pas galoche. Elle est con, lui. Elle est super drôle. Je ne sais même pas quoi dire. tellement c'est drôle. Mais le mec a gerbé dans ma bagnole. Non mais c'est mort pour un premier rendez-vous. Tu peux pas rattraper ça. Il m'a jamais rappelé. Bah ouais, tu te caches. Il était tellement, il avait honte. Dans ce genre de cas, tu peux faire que te cacher. Le malaise c'était pour lui, mais pour moi aussi, je te l'avoue. Qu'est-ce que c'est dégueulasse, casse-toi. Ah putain, c'est chaud. Tu sais quoi, moi, c'est quoi le malaise que j'ai eu? Une fille, on discute et tout ça, on se croise dans des événements. Et finalement, on se dit bon bah, c'est quoi, on va être amené à se rencontrer plus et on se dit tiens, on va manger au restaurant tranquille. Tu sais quoi, on est resté 40 minutes au restaurant. On a eu le temps de faire entrée, plat, dessert. Elle a pas pété un mot. Oh non. Et c'est à dire qu'en fait, j'ai capté que c'était une michto. Mais j'ai capté après, j'ai pas capté tout de suite. Peut-être c'était une muette. Non, mais en fait, c'est pas ça. Elle avait pas de sujet de conversation et alors du coup c'est super dur de te dire putain il faut trouver une solution pour partir plus vite, c'est pas possible parce que tu sens ce malaise et tu sens que le malaise il reste là, il perdure et tout, et tu sais je lui pose des questions etc et alors je lui demande tiens alors raconte-moi qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ça. Ah bah je travaille. Oh my god. Et toi t'es là. C'est pas possible. Ok. Et alors je sais pas, où alors elle était timide ou un autre truc dans le genre, mais c'était ultra malaisant, je te jure. Et fallait fuir. Venez nous raconter vos malaises, les amis. 0492 222 002 sur WhatsApp. L'application c'est bien sûr gratuit. Et on salue Charlotte qui est connectée, Mathéo, Polo de Liège, Mouad, Charlie aussi. Les amis, c'est parti, voici Léa Passy avec On prend des notes, oui, sur Énergie. N'oubliez pas une chose très importante, on est là ce soir jusqu'à minuit au minimum. On a le Kiff ta mère, Dragophone, et check pas ton snap ce soir sur Énergie. Dure du temps, on attend, on se dit pas maintenant. Mais les pages qu'on tourne s'écrivent dans les tourments. On se laisse porter par le vent. On sait jamais dans quel sens. Si la route est longue, la vue en vaut la distance. Si on rêvait plus fort. S'arrêter un instant, enlever le gris des couleurs, des sentiments. Envie de parcourir la terre, à l'endroit puis à l'envers. Toucher du bout des doigts nos rêves tant qu'on peut le faire. Si on rêvait plus fort. S'écrivent en dérapage, en survol. On prend les virages, faut coller au sol. Y'a pas de stage, pas d'école. Alors on prend des notes au vol. Les photos de de nous qui dénote. On les décolle, on prend des notes ovales. Des photos de nous qui dénote. On les décolle, on cherche un passage sans boussole. Les photos de nous qui dénotent, on les décolle.